Bonjour, live 24 janvier avant midi. Je dis avant midi parce que possiblement que l'après-midi va être différent aujourd'hui. Donc, je verrai là, mais c'est que nous avons un ministre délégué qui va faire un point de presse aujourd'hui. Donc, j'ai voulu spécifier que nous étions l'avant-midi. Donc, il n'y a personne encore. Ah, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Donc, bonjour, Soso, vrai fou, oui. Vous parlez le délégué, moi ou moi? Ben oui, peut-être. Bonjour, Lindus, bonjour, mon Netflix. Donc, par rapport là, nous avons une conférence de presse aujourd'hui. La preuve, c'est parce que voyez-vous, c'est que ce ne serait pas constitutionnel encore malgré la loi sur les mesures d'urgence de nous forcer. Donc, ils sont encore dans nous convaincre. Donc, bonjour Lucie. Donc, c'est Lionel Carman, ministre délégué là, à la santé et services sociaux, c'est-à-dire délégué pourquoi? Lui, bonjour Thérèse. Donc, lui, au fond, c'est le ministre de l'énergie du darwinisme social, l'énergie humaine, comme on peut voir Jean Boulay comme ministre des ressources humaines et ainsi de suite, voyez. Et c'est certain, donc, on peut voir un peu ce que ça va, le chemin que ça va prendre. On peut, par rapport, vu que c'est M. Carman qui va faire. Là, on peut parler de mesures coercitives liées. On parle encore plus de droits qui vont devenir des privilèges, d'après moi. Puis, possiblement, peut-être qu'ils ont trouvé aussi le montant qu'ils veulent nous faire payer. Tant que c'est pour 25 000 piastres, là, je devrais être capable, là, mais il reste que. C'est épouvantable, ils sont là à vouloir. Vous vous souvenez de la loi anti-pauvreté de Jean Charest? Ils sont capables de faire des lois contre les pauvres, mais contre la pauvreté. C'est ça, eux autres combattent la pauvreté. Donc, c'est certain qu'on s'en va vers une société de plus en plus élitiste où les pauvres, c'est eux qui vont être. Ouais, comme c'était avant. C'est juste la même société d'avant qui s'amplifie. Bonjour, moment présent. Donc, par rapport là, à M. Lionel Carman, lui, je ne l'aime pas. Ben, il y en a-tu un là-dedans que j'aime? Je vais y passer un peu, là. Non. C'est bien difficile. Ben, c'est pas que j'y déteste, mais j'ai de la misère avec leur mission. Leur mission, leur programme, leur programmation, leur agenda. Leur agenda. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, j'ai fait un live avec David Lévesque qui a duré, pas un live, un entretien. Qui a duré près de 3 heures. Donc, ceux qui s'intéressent, là, c'est sur sa chaîne David Lev, là, David L-E-V. Donc, ceux qui s'intéressent, c'est possible que cet après-midi, les choses soient différentes de cet avant-midi. Donc, j'ai écrit live 24 janvier avant-midi. Avant-midi. Vous savez, on est quelque part, j'ai l'impression, à minuit moins une. Il y a possiblement. Là, premièrement, c'est pour la stratégie pour nous convaincre. Ah oui, bon, ben, tant mieux, CP. Il est question de stratégie pour nous convaincre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la capacité de créer un discours convaincant au sens d'une cohérence. Il y a des éléments là-dedans qui sont possiblement classés secret défense. Il y a trop de choses que c'est impossible depuis 2 ans d'avoir des réponses. Puis on est sur le bord d'une guerre mondiale, selon moi. Ça s'enligne de plus en plus vers ça. Donc, qu'est-ce qu'au niveau d'une guerre, au niveau de l'infiniment petit, il n'y aurait pas une stratégie là? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Ils ne peuvent pas nous le dire. Donc, c'était ma question. Penses-tu qu'il va y avoir un changement de direction drastique avec un autre événement prévu? Possiblement. Stéphanie Côté, ben non, je ne vous avais pas vu. Ah, ben ça se peut, je vous ai peut-être manqué, mais je ne vous ai pas vu dans le. Donc, par rapport à ça, est-ce qu'il ne serait pas question de stratégie au niveau d'une guerre par rapport à de la technologie très subtile, très petite. Possible. Salut, Marius Territon. Ah, je sais pas, il y a une espèce de, pas un accent ibérique, mais un convoi là en Europe du Nord sur le haut, je ne sais pas comment vous prononcez ça. Donc, est-ce que ces gens-là vont faire une stratégie pour nous convaincre? Une guerre neurologique, oui, je pense que oui. Bon, on s'en va vers ça. La technologie est rendue très, très avancée. Il y a tout le temps 30 ans de décalage entre ce qui est dit au public, puis. Donc, non, je me suis ennuyé de ton live. Ah bon? Donc, l'affaire, là, de vouloir faire des stratégies pour convaincre quelqu'un qui aurait des gens qui, par exemple, au niveau d'une plaidoirie, par exemple, qui vont être clairs, précis, cohérents, qui n'a pas d'invraisemblance, qui n'a pas d'incohérence, n'a pas besoin d'une stratégie pour convaincre. Il n'a qu'à dire le réel. Il n'a qu'à dire ce qu'il y en est. Et les gens par eux-mêmes vont être convaincus parce qu'ils vont voir par eux-mêmes que ça fait sens. Or, nous avons affaire à des gens extrêmement. Ah, mais prononcez. Bon, si vous le dites. Ah, OK, pour le nom. Ah, bon, je pensais pour l'entrevue. Je trouvais ça surprenant. Donc, ces gens-là ne sont pas. On nous vend quelque chose qui n'est pas réel, c'est clair. Je parle au niveau de ce qui est narré, le récit, la description de ce qui est censé être la réalité, le pourquoi du comment. Et c'est là, moi, que j'accroche. C'est là que je peux pas. Désolé, là. Ben, puis, aussi, là, je commençais à en discuter avec des proches. Ah, peut-être que je pourrais avoir une exemption. Puis, je pense pas que ça peut fonctionner, une stratégie comme ça. Vous savez, même des gens qui ont des troubles cardiaques très graves, qui ont des maladies auto-immunes ou des allergies à certains produits, c'est clair qu'ils vont avoir une réaction dangereuse, là. Ils n'ont pas réussi à avoir d'exemption. Donc, imaginez, là. Et maintenant, nous entrons dans une phase au niveau du 21e siècle où les guerres, ce sont des guerres de l'énergie et de l'ergonomie de l'énergie. C'est-à-dire que si jamais il y avait une nation qui décidait de nuire à une autre nation, de l'empêcher de se défendre, ou de toute façon, c'est toujours des théâtres, là, les guerres. Il y a toujours quelque chose qui, au-delà de ça, qui est ni d'un côté ni de l'autre, mais qui a intérêt à faire en sorte qu'il y ait une guerre. Mais on est rendu à un niveau où le fait de rendre l'autre pays incapable, est obligé de monopoliser une partie de son énergie vers sa population civile qui aurait des problèmes ou quoi que ce soit. C'est normal qu'il y ait une guerre au niveau de l'infiniment petit quelque part. C'est pas surprenant. Ça me surprend pas. Mais je suis certain qu'on est dans quelque chose de cet ordre-là. Pourquoi? Parce que ça avait été vu d'avance. Donc, bonjour, Virginie. Isabelle Lisa, je n'ai pas d'exemption et un historique de réaction neurologique grave. C'est ça, vous voyez? Donc, on n'est pas dans une logique. Personnellement, je l'avais dit il y a un an, là, quand c'était pour ils attendaient un vaccin, j'avais dit ça va être après une première dose, après une deuxième dose, puis après ça va prendre une troisième dose, puis possiblement une quatrième dose. Puis quand ils étaient là, 75%, après c'est la liberté, j'avais dit non, non, non. Puis c'était dans une entrevue avec David, me semble, j'avais dit non, après ça va être 85%, après 90%, après 95%, jusqu'à 100%. On est au Québec, l'un des peuples les plus inoculés avec cette technologie-là, qu'il n'est pas question que j'appelle de toute façon, le mot fait qu'on est censuré des fois. Puis eux, ils disent qu'ils resteraient un demi-million, c'est-à-dire autour de 500 000 Québécois. Je suis souvent porté à dire Canadiens et Français, mais ça serait juste aussi en dehors du Québec, là. Québécois à inoculer. Puis ils sont encore dans une coercition extrêmement agressive. Ils se servent du principe d'altérité pour que les non-inoculés subissent un harcèlement et de l'intimidation de la part du reste de la population. Pourquoi? Parce qu'ils servent de bouc émissaire pour toutes les conséquences de cette gestion désastreuse. Or, si l'économie est en train de s'effondrer, c'est pas de la faute des non-inoculés. C'est de la faute de François Legault, de Christian Dubé, entre autres, si on remonte à plus loin. C'est de la faute de Jean Charest, de son ministre Barrette. C'est de la faute de Bernard Landry, de Lucien Bouchard, de Philippe Couillard et compagnie. Le système, s'il est sur le point de s'effondrer, c'est parce que ça fait 25 ans qu'il est sur le point de s'effondrer. Je parle du système de santé. Donc, c'est quoi cette obsession de se servir des circonstances pour essayer de nous tordre d'un bras, de nous faire comme des mafieux? Là. C'est vraiment comme du racket puis de l'extorsion. On parle même là d'y avoir une taxe santé. Là. On est le peuple le plus taxé d'Amérique du Nord déjà, puis la première idée qui lui vient, c'est une taxe. Ah, je vous jure. En tout cas, la vague, ça rend les gens possiblement, peut-être, ou plus facile, plus malléable, peut-être. Donc, bon, on verra. De quoi il est réellement question, c'est difficile de savoir. En fait, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a des invraisemblances, il y a des incohérences dans ce qu'on nous dit. Puis, on parle là, de consentement libre et éclairé, puis pourtant, il y a des choses, ça, c'est sous-cellé jusqu'en 2076. Ça marche pas. Ça marche pas. Puis tant que ça marchera pas, je vais considérer ma députée comme une crise de vendue, une estite putain, une niaiseuse en plus. Même pas foutu de répondre à une lettre que ça fait 2 ans de ça. Maudite tarte. Une gang d'estite tarte. Puis une gang d'estite cave. Puis, en tout cas, il faut que je fasse attention parce que ça me met très en colère. En France, ils commencent à dire qu'ils retireront le passe inoculatoire, j'essaie de trouver des euphémismes. Quand les non-inoculés seront inoculés, ben oui. Ben au contraire, à date, ils n'ont rien fait de ce qu'ils disaient. Ici au Québec, c'était quand il y aurait 75% d'inoculation, là on allait retrouver notre liberté. Ils disaient qu'ils ne feraient pas de couvre-feu. Puis à chaque fois qu'ils disent quelque chose, ils ne le font pas. C'est toujours pour des raisons de donner un mouvement à la masse, d'envoyer la masse dans une direction, c'est au niveau de convaincre, mais c'est jamais au sens de dire la vérité ou d'être réellement transparent par rapport à la stratégie adoptée, les raisons du pourquoi et du comment. Donc, après 2 ans, là, vous voyez, là, on avait dit qu'il y aurait des pénuries, puis c'est ça qui va se passer. Bonjour Camille. Camille. Prononcer Camille ou Camille? Moi, je vais prononcer Camille, là. Bonjour. L'État, ça sert dit pour serrer la vis, mais vous avez vu ce que dit l'Espagne envisager de traiter le COVID comme un simple grippe maintenant? C'est une autre direction que nous. Je sais pas. Parce qu'il va s'en venir d'autres choses. En Europe, c'est un autre jeu qu'ici, parce que c'est près de chez vous, qu'est-ce qu'il semblerait que ça va débuter. Mais de toute façon, est-ce qu'il n'y aura pas un nouveau variant? Moi, je m'attends à ça. Bonjour, Maxime. Stéphanie Côté, ça vient d'être annoncé. Inoculation obligatoire pour tous dès 18 ans et plus au Québec. Ah ouais? Ben moi, ils vont manger de la merde. Tu peux pas m'obliger. Impossible, ben qu'ils essayent. Envoyez Christian Dubé, force-moi mon gros violeur, gros crise de violeur. Je m'excuse, mais introduire sans le consentement de quelqu'un quelque chose dans son corps, c'est un viol. Gros crise de violeur, dégueulasse en plus. T'sais. En tout cas, bon, ce que, bon, d'accord. Non, mais c'est ça, si ça se confirme, là, Madame Côté. Mais... il reste que c'est il n'y a pas de mots pour dire comment que c'est injustifiable, c'est inconstitutionnel. Tout ça, c'est à cause d'une loi sur des mesures d'urgence votée en 2001 après le 11 septembre, mais ça ne touchait pas le médical. Ils se sont servis des attentats du 11 septembre comme prétexte pour faire passer des lois ici au Québec. On n'a pas eu d'attentats. Les seuls attentats qu'on a eus, c'est les FLQ qui faisaient sauter des boîtes à mal. Puis qui avait enlevé Pierre Laporte, que Bourassa est au courant, puis qui a laissé son ami se faire tuer. Pour des raisons de manipulation encore. Que c'est rien que de la crise de manipulation tout le temps. comme les opérations Gladio en Italie. Puis c'est clair que il n'y en a plus de souveraineté nationale depuis longtemps, comme les opérations Gladio en Italie. Qu'est-ce qu'il y avait en arrière de ça, la CIA? Il y a un esti de problème, là. Puis le monde, il allume pas. Puis d'ailleurs, en Europe, quand c'est des histoires d'attentats, l'Italie est mise de côté un peu parce que les gens se souviennent. Je viens d'avoir une photo passée. Je peux pas la partager ici. Ah, je sais pas. J'avoue que je n'ai jamais participé beaucoup à des chats là, sur YouTube. Donc, peut-être que vous pouvez. J'en ai aucune idée. Vous voulez dire que je ne crois pas qu'ils essayent voir de m'injecter. Oh, oui. Ben, moi, tout. Moi, Dubé force, moi. Tu n'auras pas le choix. Va falloir que tu enfreignes les lois de notre démocratie puis que tu agisses comme ce que tu es. Puis comme ça, tu vas faire la preuve de ce que tu es. Donc, si on est réellement dans une dictature puis qu'on n'obéit plus aux chartes puis aux constitutions, ben, il va falloir agir en tant que tel, au moins, tu sais. Et de toute façon, ils sont de plus en plus décomplexés. C'est une dictature, ça devient toujours de plus en plus décomplexé. Comme en Corée du Nord, là, qui disent vraiment n'importe quoi, puis comme ils savent que les gens font semblant d'y croire, que personne n'est assez stupide. Ben, il y en a qui sont, il y en a tout le temps, là, mais. Donc, les trucs arrangés par opposition contrôlée. Ben là, que t'appelles ça comment, toi, Dominique Anglade? T'appelles ça comment, toi, Éric Duhaime? Hein? T'appelles ça comment, toi, Québec solidaire? Ça n'en est pas ça. C'est des oppositions, ça. Tu vas me faire à croire que ce monde-là s'oppose réellement, qu'ils ne servent pas à drainer de l'énergie des gens qui s'opposent pour leur donner des eaux à ronger, comme le monde là, qui croit à ça, Éric Duhaime. Anne Cazabonne. Vous pensez que c'est réel, ça, comme opposition? On se verra dans les. Ben, on verra. Peut-être. Les camionneurs, c'est vrai. Moi, je sais. Ben oui, c'est vrai. J'ai une tante qui est une dame d'affaires à Toronto, puis elle n'est pas capable de faire livrer ses affaires. Ils vont avoir des tablettes vides tantôt. Ouais, je parle comme oui, comme opposition, oui. Mais ils sont instrumentalisés aussi. Vous savez, eux autres, ils veulent qu'il y ait du trouble pour justifier d'autres mesures. Ils veulent. L'autre Trudeau, il va faire comme son père à un moment donné. Il va déclencher la loi des mesures de guerre. Puis pour ça prend du trouble. C'est pour ça qu'il ne faut pas protester d'une façon trop violente. On va se tirer dans le pied. Même, ben, moi, je ne proteste même pas. Je ne fais pas actif, moi, là. Ben, en France, c'est pareil. Ben oui. Ils ont tous les mêmes boss. Ils ont tous les mêmes boss. Ceux qui ont financé la chute des Romanov en Russie, puis Mao en Chine, puis envoyé. Les mêmes instances des banquiers internationaux. Prenez la Révolution française, c'est rien que le pouvoir bancaire, puis des bourgeois qui ont pris le pouvoir là, sur la monarchie, là. De toute façon, c'est une monarchie qui a réussi à faire la guerre à d'autres monarchies. Il y en a une qui va être gagnante de tout ça, entre autres, dont en Norvège, là, puis en Hollande. Elles sont affiliées aux banques. En tout cas, je voulais envoyer la pub du. Ah, bon. Je parle des camions, camionneurs. Oh oui. Et oui, ils sont sincères, c'est pas le contraire. Bonjour à tous, soyons forts, on n'aura pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Il y a un test là-dedans, quelque part à mes yeux. On va voir qui est quoi. Ben, c'est comme quand il y a eu là, les affaires de masques obligatoires, il y a des masques qui sont tombés. Les camionneurs, c'est vrai, mais ils laissent faire car ça va. C'est ça. Ça fait leur affaire qu'il y a des pénuries. Ça va créer du trouble social. Ils ont besoin que ça aille mal, je l'ai dit depuis des années. Même il y a 3 ans, même 3, 4 ans. L'affaire, c'est qu'ils ont des nouvelles bébelles, puis il faut que ça aille mal pour essayer ça. Des camions là, qui servent de micro-ondes pour pousser des foules, puis des choses comme ça, il faut que ça aille vraiment mal pour essayer des machines comme ça. puis toutes les brevets sont là. Je veux dire, les machines existent, ils ont été. Il y a des gens même qui ont pu aller à des expositions, il y a un journaliste là, qui a écouté. Il s'est tassé, il était en train de cuire. Imaginez quelqu'un qui se fait assommer, qui tombe sans connaissance à terre, puis après il arrive avec les camions, il ne pourra pas se tasser, il ne va pas cuire là à terre. Les vrais ont toutes des réserves. Ben oui, moi aussi. Beaucoup de nouilles puis beaucoup de rire. Les vax qui vont être affamés. Ben oui. Vous savez, Jean-Catali disait on ne peut pas faire passer un test de QI à tout le monde, puis il faut mettre en place. Parce que lui, c'est un darwiniste social. Ils ont réussi, eux autres. Vous savez, même le darwinisme au sens juste systémique. Ça vient quelque part d'une forme, d'une vision kabbalistique du monde. Puis Jean Catali disait, on ne peut pas faire passer des tests de QI à tout le monde, donc on va mettre en place des façons de faire en sorte que les plus idiots vont s'éliminer par eux-mêmes. Et voilà, effectivement, j'ai fait mes réserves, ça fait 2 ans. Wow, vous en avez certainement plus que moi. Kim Lavoie, bonjour. Moi, aujourd'hui, savez-vous pourquoi je fais un live? Parce que c'est clair que je ne ferai pas d'argent à la bourse aujourd'hui. J'ai regardé ça ce matin, puis ça va mal. Ça va pas bien pour mes affaires. Ça continue, là, je vais être en marbre à peu près. Bon, un instant, là, ce sera pas long, là. Je vais aller chercher quoi, selon vous? Comme il a dit, le peuple doit être affamé pour réveiller. Oui, mais c'est parce que la tête fonctionne mal, l'estomac vide. Ça donne quoi d'être réveillé? Les autres, ils veulent des réveillés en mauvais état. Plutôt que des endormis qui ont le ventre plein, ça donne quoi au fond? Je suis rendu à un point que tout m'apparaît être de la bullshit, et voit partout, c'est rendu, ben oui, il n'y a rien d'autre, c'est rendu fou, je ne crois plus en rien ni personne. Ça, c'est extra, c'est très bien. Bravo. Tout est en train de planter, la crypto aussi, ben oui. C'est évident que ça allait arriver, c'est pour ça que au début, il y avait moyen de faire de l'argent avec ça. Master. La crypto, moi, là. Toi, tu, Pouliette, vous êtes porté à retirer souvent vos messages, monsieur Pouliette. Bonjour, bonsoir, monsieur, madame, mademoiselle. Puis c'est quoi les autres genres, là? Ils nous ont inventés. La vax obligatoire est pour les magasins grande surface. Moi, pour l'instant. Ben, les places où je ne vais pas, là. Vous savez, là, moi, au Walmart, là, j'aime pas ben l'ambiance qu'il y a là, puis la clientèle qu'il y a là. Je me sens tout le temps par ma place. Il y a une fois, je suis allé magasiner à un moment donné chez Maxi. Puis là, c'est pas le même système pour les fils. Puis j'étais pas à bonne place pour la file. Puis j'attendais, moi. Puis là, à un moment donné, il y a un autochtone, là, genre, ben gros, puis genre, avec des manières, tu peux, il m'a quasiment envoyé. Je suis dit, la file, c'est pas là, gna gna gna. Je dis, voyons, pourquoi qu'il me parle agressivement de même? Tu sais, il y a moyen de parler au monde quand même. Finalement, je suis plus retourné depuis ce temps-là. Il y a même une place. Ils n'ont pas voulu. Ils m'ont fait attendre pour rien que je ne vois plus. Mais moi, je suis pas long. Hein. Quand je me plains. C'est comme au restaurant, j'ai jamais retourné une assiette de ma vie. Je mange tout le temps ce que je commande. Mais si j'aime pas ça, vous ne me revoyez plus jamais. De toute façon, je mange pas ce que j'aime au palais. Je mange plus pantoute au restaurant. Pas évident de rester centré. Ben, ça dépend. Je me sens pas déprimé. Je sais qu'il y en a qui ont beaucoup d'idées noires, des troubles dépressifs. Il y en a un là, qui se serait suicidé dernièrement, un chanteur que je connais pas parce que la musique, je la trouve plus intéressante depuis ça fait au moins 20 ans, là, que il me semble que c'est tout de la merde, tu sais, qu'on nous fait. Mais, donc, lui, je le connaissais pas, là, Karim Ouellet. Il se serait suicidé, il se serait refermé sur lui-même quand ça a commencé la pandémie, puis il aurait fini par se suicider. Et vous savez, là, c'est comme Dédé Fortin, puis les artistes, là. Ils ont un centre, mais il est bien fragile. Puis ils vivent autour de leur centre. Ils sont terribles dans le mauvais sens du terme. Donc, moi, c'est certain, il y a des gens qui passeront pas à travers. Bernard, je me rappelle, à un moment donné, puis ça fait long, c'est des années, fin 80, je pense. Il parlait à une salle, puis à un moment donné, il dit même, il dit, il y en a beaucoup parmi vous autres qui vont se suicider. Puis genre, j'ai l'impression que c'est de plus en plus réel, ça. Il y en a beaucoup qui vont se suicider. Ben, ils vont se faire suicider quelque part, parce que quelqu'un ne se suicide pas tout seul. C'est tout le temps lié à des influences, puis à une perte justement de centricité. Il y a des causes environnementales, souvent. J'ai de la difficulté à écouter de la musique depuis la lecture de BDM. Bon, ben, bienvenue dans le club. En plus, vous savez, je continuais à composer, mais ma musique avait changé. Elle était devenue totalement systémique. Un peu comme Bach, si vous voulez, ou Jean-Philippe Rameau. C'était lié à des lois d'harmonie qui avaient plus rapport avec l'expression d'une émotion, mais plus à des lois universelles qui engendraient de l'émotion une fois perçue. C'est comme le rapport change, hein? Il s'inverse avec... Bonsoir, alternatif, J. Quand j'étais plus jeune, il y avait ce qu'on appelait le rock alternatif. Je ne sais pas si ça existe encore. Vous savez, je suis assez calé en musique, hein, puis j'en écoute plus. Bonsoir, Lorraine. Ou Lorraine, il me semble que c'est Lorraine qui m'avait dit. Donc, mon mari joue de la guitare. Lui, j'aime l'écouter. Ah bon. Ben, j'ai déjà essayé banjo. Là. Vous me voyez sur une galerie avec un crachoir et un banjo. Ben oui, la guitare, c'est, vous savez, c'est un des instruments baroques. Au fond, le traditionnel de la guitare classique, là. Ben, si c'est peut-être pas de la guitare en bois là, qui joue votre mari, là, c'est peut-être un morceau de mélamine pour le brancher sur un ampli. Mais la guitare classique, Louis XIV, c'était son instrument, la guitare. C'est spécial là, d'imaginer ça, mais ouais. Il me semble Louis XIV avec une guitare, il devait faire, ça donne un espèce de look glam rock des années 80, d'imaginer ça, là. La perruque à gratte, puis la guitare. Ouais. Que pouvez-vous nous dire sur le somnambulisme? Ça dépend, il y a différents types de somnambulisme. Il y a des gens, le corps ne s'endort pas tout à fait, puis la personne elle va faire un rêve, mais le corps va réagir au rêve en temps réel, dans la réalité physique autour de lui. Il y a d'autres types de somnambulisme, c'est une entité qui va prendre le corps pour se promener. Ça aboutit à des phénomènes beaucoup plus étranges, comme il y avait eu un cas aux États-Unis, c'est une jeune femme qui était montée dans une grue, de, je pense que ça faisait je ne sais combien d'étages de haut, là. Puis, c'est des passants en marchant, s'étaient rendu compte qu'il y avait une jeune femme endormie au bout d'une grue. Elle était en position comme un petit chat, puis elle dormait. C'est une somnambule qui était grimpée là pendant son sommeil, puis elle s'est endormie. Ils ont été obligés de faire monter un pompier qui l'a réveillée tranquillement après l'avoir attachée en essayant de ne pas la réveiller pour la descendre. Parce que si elle s'était réveillée là, elle aurait été en panique, elle n'avait aucune conscience d'être là. Dans des cas comme ça, souvent, c'est une entité qui va... Il y en a qui ont un esprit un peu taquin, qui va prendre le corps pour se promener. Il y a d'autres que le somnambulisme, c'est qu'il y a un problème au niveau endocrinien qui fait que le corps n'est pas tout à fait inactif pendant le sommeil. La personne va rêver, puis interagir avec l'environnement pendant le rêve. Donc, elle est dans un état semi-onirique. Ça dépend, là, il y a différents types de somnambulisme. Mon père, par exemple, lorsqu'il était enfant, avait tendance au somnambulisme. Puis à un moment donné, ses parents, quand il avait peut-être 8-9 ans, avaient été obligés de le courir partout dans la maison parce que mon père rêvait qu'un taureau essayait de l'encorner en lui courant après. Mais mon père, qui avait tendance au somnambulisme, courait partout dans la maison, puis mes grands-parents essayaient de l'attraper pour pas qu'il se blesse. Puis pourtant, il interagissait avec l'environnement de la maison tout en rêvant un autre environnement. Mais il s'est pas frappé sur rien, il n'a pas foncé dans un mur ni rien. Donc c'est étrange. Il y a certains types de drogues qui vont engendrer des états semblables. Puis si vous prenez là, dans le temps, là, les sorcières du Moyen Âge, on peut provoquer des sommeils anormaux, si vous voulez, comme il y a ce qu'on appelle la laitue sauvage. Vous prenez la résine, puis vous la mélangez avec d'autres plantes. Il y a moyen de créer des onguents, même des suppositoires, là. Vous savez, le balai des sorcières, les sorcières, là, elles volaient pas sur des balais. Elles graissaient des manches à balai, elles se foutaient ça dans le rectum et ça provoquait des sorties hors corps. Il est là le vol de la sorcière, vous comprenez? C'est ça, chevaucher le balai. C'est toutes des choses qui ont été occultées. Pourquoi? Parce qu'il y avait un danger au niveau des masses. Ça a créé de sérieux problèmes, tout ça, là. Donc, le live du 16 janvier était très haut en vibration. Ah, je me souviens même pas. Un jour, Richard Glenn a demandé à BDM de lire un passage de la Genèse du réel. BDM était en grande difficulté pour le faire. Quel lien y a-t-il entre lire un texte et réfléchir et penser? L'affaire, c'est que possiblement que si Bernard avait lu une phrase, immédiatement, il y aurait eu une prise de contact. Puis moi, ça me fait ça. Des fois, je vais relire quelque chose que j'ai écrit, puis juste le geste de lire ou de réécrire va refaire un contact, puis là, ça va vouloir dire autre chose, puis autre chose, puis autre chose. Ça devient possible de lire d'une façon cohérente. Parce que ces affaires-là, c'est plus porté à la parole, puis à l'écriture qu'à la lecture passive, puis ça active des mécaniques. Donc, possiblement, mais si je me souviens bien, finalement, c'est François Payotte qui était venu lire. Parce que Bernard n'était pas capable. L'effet de ne plus avoir envie de choses telles que la lecture, la musique, la sexualité, est-ce le résultat de la conscientisation? Je me suis rendu que rien faire, je suis bien. Ça dépend, ça va être des phases, vous allez voir. Il y a des choses qui vont revenir par phase. Vous êtes en train d'avoir une transmutation, puis entre autre, la libido, c'est de l'énergie. Donc, se les mobiliser ailleurs un temps, ben, mais moi, ils m'ont enlevé, ben, je parle, je dis ça de même, ils m'ont enlevé, mais il ne faut pas prendre au pied de la lettre, là, mais j'ai plus envie, moi non plus, je lis plus. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un livre, j'essaie de le lire, là, mais j'ai de la misère, la musique, j'en écoute plus. Si j'ai une grosse baisse en vibration, des fois, je peux avoir envie d'écouter de la musique ou même de jouer de la musique, mais c'est de plus en plus rare. J'ai entreposé mon piano. Je n'y touche plus. J'ai perdu l'envie de composer. Pourtant, moi, j'ai une certaine facilité à composer. Je pourrais faire de l'argent avec ça, vendre de la musique libre de droit. Mais là, si ça continue, va falloir que je me crée des actifs, là. En tout cas, comme. J'ai pas la vibration, j'arrive pas. Mathilde, chemin d'éveil. Bonjour. Un article faisait référence à la paralysie du sommeil comme un effet secondaire du variant micro. Je trouve ça très étonnant. Qu'en pensez-vous? Ça montre que, ouais. Il y a les plans, hein? Donc, il doit y avoir des choses qui sont multidimensionnelles par rapport à tout ça. Puis... En tout cas, il faudrait que je le lise, l'article. C'est un petit peu ma télé-réalité. Ah, moi, ça, ah ben. Eh bien, BDM, ben, c'est mieux que le bonhomme dans le temps, là. Osborne, BDM a dit à ce sujet qu'il ne voulait pas y mettre des formes sur cette lecture, ah, peut-être. De toute façon, la lecture, c'est des formes. Je veux dire, quand on lit, on récite. En tout cas, qu'est-ce que l'électrification en supraconscience? C'est quelque chose qui est lié au cellulaire. Vous allez recevoir de l'énergie d'un autre plan parce qu'il y a un alignement des corps qu'on appelle. Ça va engendrer même. Il peut y avoir l'activation du cerveau éthérique, puis vous allez vous mettre à avoir de l'information pour développer certaines facultés. Habituellement, c'est pas parce que la personne en a le désir au sens psychologique du terme. Dirais-tu que tous ceux qui portent un intérêt au supramental sont en voie de conscientisation? Ben non. Ben non, parce qu'il y a des forces qui ont intérêt. Il y a une sorte de guerre à ce niveau-là. Il y a des forces qui ont intérêt à ce que le supramental, ça se répande pas. Ça fait qu'il y en a bien qui ont un intérêt au supramental parce que des forces derrière veulent le saboter, veulent nuire, veulent récupérer. Il y a des forces vampiriques, là, je veux dire. Bon, en tout cas. Pour lire la genèse du réel, j'ai besoin d'articuler les sons avec ma bouche. Je ne peux pas lire dans ma tête. Ah, c'est surprenant. C'est drôle, moi, avec le temps, ça a changé. Mais ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas lu. Ça fait au moins 2, 3 ans que je n'ai pas lu la. Ma lumière étonnante. Je l'ai ici pas loin, avec d'autres livres. Puis ça fait des années que. Mais ça se peut que vous ayez. Vous ayez besoin de faire. Peut-être que c'est trop. Il y a un trop-plein, puis pour ça, vous avez besoin de le parler. Ça m'arrive des fois. J'ai vu des gens que quand il y avait trop d'activités psychiques intenses, ils se mettaient à parler, même s'il n'y a personne. Ouais, ça arrive. Vous savez, à un moment donné, j'étais assis devant ma porte, puis il passait quelqu'un, puis genre, lui, ça avait l'air d'un paquet de troubles, parce que ça avait l'air d'une espèce de schizophrène dans sa façon d'agir. Puis je sentais que cette personne-là était pourtant parlée tout seul parce qu'il y avait un trop-plein, mais astral, si vous voulez, au niveau de son psychisme. Puis à un moment donné, j'étais là, je demandais c'est quoi son problème, lui, puis je sais plus trop. Je me souviens juste, à un moment donné, ça m'a dit, ben, disons, demande-lui toi-même, puis j'ai vu le gars s'arrêter, revirer, puis là, il venait vers moi, j'ai rentré de peur, j'ai eu peur. Je voulais pas y parler. Je voulais rien savoir. Ah, je parle seul beaucoup ces jours-ci. C'est surprenant, ça. Ben, possiblement qu'il y a de l'activité. Ça pourrait se transférer dans toutes sortes de choses. Puis, bon. Bonjour, Bertolt. Quels ont été, selon toi, les mécanismes de l'emprisonnement de l'esprit dans la matière, la création de l'astral? L'esprit ne peut pas être emprisonné dans la matière. Mais l'ego va percevoir ça comme ça. Mais. L'esprit a son propre plan, ses propres lois. Il colonise la matière à travers la lentille qui est l'ego, mais c'est l'ego qui se sent emprisonné dans la matière parce qu'il est en processus d'identification. L'individuation, puis toutes ces choses-là. Donc, l'esprit dans la salle, la création de l'astral. L'astral s'est créé d'une façon autorégulée par la mémoire expérimentale de l'humanité qui s'enregistrait dans l'électromagnétisme planétaire. Ce qu'on appelle, si vous voulez, la mémoire du monde ou le ciel. Donc, ça s'est fait d'une façon autorégulée. C'est pour ça que l'astral, c'est con. Ça ne s'est pas enregistré consciemment, tout ça. Puis l'être humain, il prend de la mémoire pour du réel. C'est-à-dire que, en tout cas, il est porté à penser que les morts, ils parlent, mais c'est de la mémoire. Il est porté à toutes sortes d'affaires. Il donne lui-même corps à des choses mortes. En tout cas, ça engendre toutes sortes de phénomènes inconscients. Pas au sens que de l'inconscient, comme les Freudiens disent, mais inconscient au sens où pour l'être humain, le paranormal est encore paranormal parce qu'il ne comprend pas les lois. En tout cas, il y a des lois, là, c'est comme la physique. La dernière vidéo avec David. Ah, merci. Je pensais que c'était moyen, parce qu'à la fin, je pensais que j'allais me chicaner. J'étais tellement. T'sais, voyons, là, ça va faire. Là. Surtout, quand il vient une question de certains personnages, là, genre, automatique, genre maudit. La musique est émotionnelle, c'est pour ça que l'on n'écoute plus, on devient plus mental. Ben, il existe de la musique plus mentale. Comme. Bac, là, certaines pièces pour le clavier, là, c'est de l'intelligence structurelle qui peut engendrer l'émotivité, mais qui n'est pas émotive. Divorce, on en a 4 ou 6 des corps 7. Il y en aurait 7. Ah bon, ben, merci à vous, je ne sais pas pourquoi. Virginie Gosselin, février. À quoi vous attribuez des programmations difficiles, agressions, accidents, si on est marqué, a-t-on une programmation plus difficile? Ça permet plus d'intégration, c'est juste pour faire chier. Ben là, c'est du cas par cas, c'est pour ça que c'est très. Mais la programmation, c'est un rapport avec des programmes. Dans le sens, souvent on se leurre, hein, en parlant de ça, comme oh, moi j'ai une programmation de. Non, c'est que la personne va avoir plus tendance à activer certains programmes autorégulés, à les nourrir avec son énergie. Un des problèmes, c'est que l'être humain, au lieu de se servir des programmes, c'est-à-dire de certaines forces autorégulées qui existent, de certaines mémoires, il va lui servir ces choses-là inconsciemment, d'une façon inconsciente, pour que de la mémoire expérimentale se perpétue, se réenregistre et s'affine selon un processus long, lent, de répétition, d'essais-erreurs. Alors que ça pourrait aller beaucoup plus vite que ça, là, s'il y avait une intégration de c'est quoi les programmes, c'est quoi la programmation, c'est quoi les lois de ça. Donc, plus vous allez souffrir, soit vous allez vous désintégrer, soit intégrer. C'est-à-dire que l'énergie de la souffrance, c'est toujours de l'information qui n'est pas intégrée. Puis la nature, comme ça s'est tout construit inconsciemment, d'une façon autorégulée, ça ne sera pas nécessairement intelligent au sens où nous, on l'entend. Comme si vous vous brûlez, c'est un programme qui est là pour vous dire au niveau de votre système nerveux que vous vous êtes brûlé, puis qu'il y a une partie qu'il faut faire attention, qui est fragilisée, entre autres. Mais une fois que vous le savez, que la douleur persiste, ou qu'elle soit insupportable, ça sert à rien, même ça nuit, c'est nuisible. Des fois, on souffre pour rien. Mais c'est de l'information. Ça dépend, là. Mais c'est pas pour rien qu'il y a quelque chose qui apparaît comme pas intelligent là-dedans. Il y a des gens qui souffrent pour rien. La parole de Bernard m'apparaît comme une sorte de miracle. Cette parole me procure une satisfaction intérieure plus grande que si je voyais quelqu'un marcher sur l'eau. Ah. Ben, moi, si je voyais quelqu'un marcher sur l'eau, je chercherais le truc, là. Non, il y a sûrement moyen de marcher sur l'eau, là. Surtout quand il y a beaucoup de pollution. Non, ben, l'affaire, là, Bernard. Mais Bernard, il n'a pas juste dit des choses intelligentes. Comme je connais personne qui a juste dit des choses intelligentes, là. Mais un miracle, c'est moi, c'est les termes que vous employez, là, le langage. Ben, m'apparaît comme une sorte de miracle, moi. C'est un tour de force. Là, je suis d'accord. Mais un miracle. Un miracle, c'est quelque chose qui va pas selon les lois habituelles de la nature parce qu'une volonté supérieure en a décidé ainsi. Donc, quelque part, peut-être. Mais c'est passé lourd de conséquences, ce terme-là, miracle. C'est une forme d'intervention divine, le miracle. Au niveau traditionnel, là, de comment distinguer un début de contact d'une dépression? Ça dépend. Vous êtes en dépression, pourquoi? Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Moi, personnellement, je ne vois pas la dépression comme un. Ça peut précéder un contact, mais ce n'est pas un début de contact. Vous savez, là, quelqu'un qui a un début de contact, là, c'est pas long que les idées noires, ces choses-là, ça peut pas rester dans sa tête. Parce qu'il le voit. Il voit la machination. Il sait que les pensées viennent pas de lui, puis il s'identifie pas à elle. Sébastien Côté. Salut. Quoi tu penses sur la prière si on prie pour un autre, cette relation entre Dieu et soi-même, ton opinion, si ça marche bien? Ben, j'ai rien contre la prière, puis oui, ça a un effet parce que vous émettez des ondes. On baigne dans. C'est un peu comme si on baignait tous dans la même piscine. Puis si vous nous émettez des ondes bienveillantes, ben ça peut se rendre là, à la personne. Puis au niveau d'une relation entre Dieu et soi-même, ce que l'être humain appelle Dieu, entre autres, c'est des forces. plutôt une force originelle, si on peut dire, si vous voulez, ou bien sa source. Et ce qu'on pourrait appeler les circuits universels, de l'intelligence universelle. Donc, je vois rien de... J'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. J'ai pas de mauvaise opinion, en tout cas. Mais c'est clair qu'on emploie ces mots-là par une espèce d'occultation de la mécanique de certaines choses. Mais c'est correct. C'est une belle occultation. Je n'ai pas de... Somnambulisme, comment expliquer ce que j'ai vécu? Je suis dans mon lit et je me vois debout en train de soulever un miroir dans le moi qui soulève le miroir, prend conscience de ce qu'il fait. Ben, ça se peut que ce soit un geste mécanique là, qui est accompli un peu d'une façon inconsciente, comme des fois on pense sans s'attarder. Puis finalement, on réalise au moment où ça arrive. Mais ça m'est déjà arrivé en état de veille, des choses comme ça. Donc, non, je vois rien d'inexplicable là-dedans. Des fois, on ne s'habite pas tout à fait tout le temps. Puis des fois, le corps, il va agir d'une façon mécanique. Ça arrive. Donc, le conscience de ce que... Le miroir, conscience de ce qu'elle fait. Le moi qui soulève le miroir prend compte. Ça, c'est juste qu'il y a eu un retour d'une observation, d'une habitation. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a d'inexplicable. Bonjour, cellule A. Julie, je pense qu'un début de contact peut amener un certain désintérêt envers la vie pendant un certain temps. Donc, ça ressemble un peu à des symptômes de la dépression. Oui. Ben oui. Quand j'étais plus jeune, il y a des choses dont j'avais conscience, étant enfant, que même des adultes n'avaient pas conscience de ça. Comme par exemple l'école, que je trouvais complètement stupide. Les progrès, juste les tests des ministères, j'en revenais pas à chaque fois comment c'était stupide, comment les techniques d'enseignement, la pédagogie était mauvaise, médiocre. Je me suis tellement désintéressé de l'école que j'ai en quelque sorte appris à lire, écrire et compter moi-même tout seul. Donc, juste ça, c'était déprimant. Mais là, c'est est-ce qu'il y a une capacité de supporter l'information perçue, le réel au fond? S'il y a de la difficulté, puis il peut y avoir des petits symptômes de dépression. Donc, ma mère entend des silences dans ses oreilles quand elle médite. Ça peut être quoi selon vous? Ça peut être des acouphènes liés à une médication. Ça peut aussi être lié à des changements de vibration. Ou ça peut être aussi lié à des changements de pression sanguine dans ses tympans. Ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses. J'ai beaucoup souffert de l'école. Je ne comprenais rien de rien. Ben, c'est que l'école n'est pas faite pour que, est pas faite pour les individus. C'est du formatage de masse. L'école est là pour raffiner de la ressource humaine. Là, je parle de l'école publique. Parce que les gens qui ont créé ces systèmes-là d'abrutissement collectif, eux, envoient leurs enfants dans des écoles privées ou ont des précepteurs privés pour leurs enfants. Parce que nous vivons dans un monde où c'est encore des castes. Donc, l'école, c'était l'enfer. Ben oui, c'est l'enfer. C'est là que les enfants sont conditionnés puis formatés à devenir des imbéciles qui vont être de la bonne ressource humaine. Comme pour notre ami, le ministre de la ressource humaine, Jean Boulet, qui lui vient d'une famille qui s'est mis riche en fabriquant des bottes. Je le sais parce que quand j'étais jeune, je portais des souliers. Moi, ce que j'aime, c'est les... Ça veut des souliers Oxford, faits à la main, là. Puis c'est assez rare, des gens qui fabriquent ça à la main, des souliers, là. Mais quand, il y en avait encore quand j'étais plus jeune, c'est assez cher. Puis c'était des souliers boulés. Boulés, si vous voulez. Puis c'est sa famille à lui, ça. Qui ont fini par ça. Eux autres, ils fournissaient des bottes pour des officiers militaires, puis des polices, entre autres. Puis aussi, ils ont fini par se convertir dans des bottes de cow-boys. C'est à Saint-Tite, hein, cette entreprise-là. Lui, il vient d'une famille qui a fait son argent en faisant des bottes. On pourrait l'appeler Caligula, ça veut dire petite botte. Puis, bon. Donc, lui, Jean Boulay, il est ministre de la ressource humaine, c'est-à-dire le travail puis la solidarité sociale. C'est pourquoi mettre ça ensemble? C'est comme Lionel Carman, lui, il est ministre délégué à la santé et les services sociaux. Ça se regroupe tout, là, c'est des triangulations. C'est des ministres de l'énergie humaine. Puis l'école est là, elle, pour formater la ressource, la raffiner un peu, comme on raffine des métaux pour s'en servir après. C'est pas des forces individuelles, tu sais. Usine à futur petite de Siloy, mais ils fabriquent aussi des rebelles inutiles. C'est-à-dire que ceux qui vont s'individuer vont l'être contre eux-mêmes, puis se nuire. Parce qu'ils vous donnent pas les outils, les réels. Donc, c'est une nuisance d'un bout à l'autre. Moi, ouais, c'est ça, le formatage, je devais le sentir sans en être conscient. Ben oui, bon, les enfants ne sont pas respectés, surtout au Québec. Là, on haït les personnes âgées, puis les enfants, on fait tout pour... C'est du darwinisme social. Comme, regardez, là, ils sont là à dire, oh, l'intimidation à l'école, blablabla. L'inoculation qu'ils vont nous faire, là, le show de cet après-midi, c'est quoi sinon de l'intimidation? Cet hiver, là, Dubé, il disait, oh, si vous n'êtes pas inoculé, vous allez la faire, la maladie, puis ça va être un hiver de souffrance puis de mort. Il est en train de nous faire des menaces, ce gros plein de marde, là, ce gros violeur dégueulasse. Violeur des droits, là. On s'entend. On ne sait pas, je ne connais pas sa vie privée, c'est peut-être un violeur tout court. Ce monde-là, on peut s'attendre à n'importe quoi. N'importe quoi. J'étais toujours dans la lune pendant les cours. Ben oui, les jeunes vont être portés à aller dans l'astral. Ils se sauvent, il y a une partie d'eux qui se sauvent dans l'astral. C'est ça être dans la lune. Manquer de présence pour se protéger d'un présent qui n'a pas d'allure. D'ailleurs, quand il y a trop des gros chocs, il peut même y avoir des sorties hors corps. Au niveau là, de traumatisme. D'un côté, mettre son enfant dans une école publique, c'est aussi l'habitude au réel. Ben oui, le réel du fait que c'est une... ça dépend. Là. S'il est accompagné en dehors comme il faut, le milieu de base, là oui, ça peut être utile parce qu'il faut... comment je pourrais dire ça? Voyons, il faut rentabiliser notre expérimental. Je voyais les autres comme s'ils étaient derrière une vitre infranchissable. Ah. Moi, ouais. J'ai pas le sou pour mettre dans une bonne école. Ah, les sous, moi. Ouais. De toute façon, ça existe plus vraiment. Donc, va falloir rentabiliser ce qu'on a. Non, ça formate à une réalité illusoire, certain. Certainement pas s'habituer au réel. Eh oui. Mais ça peut, ça dépend, là, le milieu. Le Coran m'apparaissait être miraculeux. L'ange passait par Mohammed pour communiquer aux hommes avec Bernard. Je comprends un tout autre rapport à la parole dans le narrasé. Oui, oui. Mais tout ça, il y aurait des parallèles à faire avec, entre tout ça, au fond. Concernant les actualités, le narratif en place est mal à l'aise, semble-t-il, pessimiste ou optimiste. Je suis assez pessimiste de nature. Puis au niveau statistique, je tombe plus souvent dans le vrai en étant pessimiste. Quand je suis dans un mode de déduction, là. Mais l'affaire, c'est bon. Concernant le narratif en place, c'est mal à l'aise, semble-t-il. Oui, c'est sûr, parce que c'est de plus en plus intenable, parce que c'est de plus en plus incohérent puis invraisemblable. Il faut être vraiment pourri jusqu'à là, c'est pour être confortable. Là. Je parle, prenez Radio-Canada, là, il y en a une le jour là, qui fait des nouvelles, là, une espèce de pincée, là, de stock-up rousse, là, avec les cheveux courts, quand je dis que je ne suis pas capable, elle se prend tellement pour... Il y en a, là, que, ouais, ce que c'est une future Anne-Marie Dussault, là. Bon, elle, là, est confortable là-dedans, tu vois qu'elle aime ça, là. Elle aime ça. Elle se pense. C'est gratifiant pour elle. Être une narratrice, c'est gratifiant pour elle. Alors que, je la regarde, je dis que je ne suis pas capable. Elle, pour moi, c'est une moins que rien. Pour moi, c'est comme c'est une putain là, de fond de ruelle là, à mes yeux. Là. Je trouve ça, c'est ça qu'elle fait. Là. Elle se prostitue. Là. à mes cœurs, je la trouve dégueulasse. Là, à mes yeux, elle est pleine de maladies, mais pas vénérienne, mais psychique. Là, elle est pleine de parasites. Ça pollue le monde. C'est des putains pour moi. Là. C'est comme Anne-Marie Dussault. Pour moi, c'est une vieille putain. Là. Elle est dégueulasse. Je la trouve dégueulasse. Il m'écœure, ce monde-là. Il m'écœure. Là, le bonhomme Bruno, là. Ah, oh, qui est dégueulasse. Le bonhomme de TVA, là, qui a la gueule, là, comme une barre de main, là. Un sticky élite. Ah, ah, c'est épouvantable, c'est des monstres, des bébites, on dirait on voit qu'il y a de quoi qui marche pas, là. On voit qu'il y a quelque chose, on sent, ça sent, là. Puis j'avais pas la télévision, moi, avant, je l'ai pas eu depuis, je l'avais pas depuis 2007. Puis là, je l'ai re-eu dernièrement, quotidiennement, là, je la vois, là, puis, ah, le temps que je m'en suis passé, je suis devenu très sensible à certaines choses, puis là, aujourd'hui, je regarde ça, puis... Le bonhomme Bruno, là. Ah, ça, puis le bonhomme, là, qui fait la présentation au début des contes de la crypte, là, c'est pas mal pareil. Il est pas mal moins drôle, là, Pierre Bruno. Y a-t-il un sens au rêve récurrent? Ben oui. Et peut-on arrêter de rêver à ce rêve? Voir ce même rêve, mais que le sujet est quelqu'un d'autre. C'est la même signification. L'affaire, c'est qu'il y a l'âme humaine, il y a l'âme collective, le monde des archétypes, si vous voulez. Donc, il y a des rêves récurrents qui vont avoir la même signification pour plusieurs personnes. Il y a des rêves récurrents qui n'auront pas la même signification pour plusieurs personnes. Vous allez faire un rêve récurrent tant que vous n'avez pas intégré ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire qu'il y a des intelligences non conscientisées derrière la forme. Puis si vous venez à bout de comprendre pourquoi vous faites un rêve récurrent, vous ne le ferez plus. Ça va être intégré. Il y a tout le temps de raisons. Comme il y en a, ils font des rêves, par exemple, de poursuite ou qui se font poursuivre dans leur maison, dans la rue. Souvent, c'est parce qu'ils se sentent, c'est refoulé, si on peut dire, entre guillemets, pas au sens freudien nécessairement, mais ils se sentent persécutés par leur milieu. Où ils sentent de l'agressivité cachée ou hypocrite chez les gens de leur famille, par exemple. Une fois que c'est intégré, puis qu'ils sont très centrés, puis qu'ils ont une individualité forte, puis qu'ils sont capables de faire face à ça, ils arrêtent de faire des rêves de persécution. C'est pareil pour un paquet de... Mon dernier rêve, Legault coupait les pharmacies. Oh, ah ben, c'est peut-être prémonitoire. Des fois, il arrive que c'est à prendre au pied de la lettre, les rêves, parfois. Une fois, j'avais rêvé que je me chicanais pendant un souper de famille avec mon père. Puis je m'avais trouvé ça bizarre. Puis finalement, c'est arrivé. Puis je me suis juste souvenu que j'en avais rêvé d'avance avant que ça arrive après. Puis là, j'ai éclaté de rire. Pourtant, c'était bien. Moi, je forme des techniciens en usinage et je peux prétendre être créatif avec eux par la pédagogie, par projet. Oui, mais là, vous faites... Là, on est dans ce qu'on... C'est un peu vos apprentis, si on peut dire. Vous transmettez un métier, c'est-à-dire... C'est pas pareil, là. Ben, je le vois pas comme... Du souhait de sur quoi faire ça. Moi, oui. Oh, ça se prend, ça, pour du monde brillant, là, puis... C'est des cabochons, là. C'est un esti de tarte, là. Tu sais, moi, l'image d'une vieille nounoune qui se prend pour un autre, là, c'est ça. Là. Elle est parfaite. Anne-Marie Dussault, là, à un moment donné, elle disait bon, j'aime pas la Le Pen, puis je considère que c'est une sorte de fausse position. Puis, à un moment donné, mais elle avait eu une entrevue avec, c'était tellement honteux. Puis là, après ça, elle dit j'en suis fier de cette entrevue-là. Ça montre que c'est une niaiseuse. C'est une conne. C'est comme une putain là, qui viendrait de faire sa job et être fier. Bon, OK, c'est son affaire. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes valeurs. On n'a pas les mêmes valeurs. Mais grand bien face à ceux qui ont recours à ce genre de service-là puis qui aiment ça l'écouter. Mais est-ce que ça ressemble à ça? Donc, drôle de question, mais les animaux évoluent-ils actuellement au même type que nous? Le contact existe-t-il chez eux aussi? C'est pas pareil parce qu'eux, ils ont des âmes collectives. Donc, c'est des programmes collectifs. C'est comme chez certains peuples autochtones. Vous aviez des fois quelqu'un qui allait, il s'en allait de sa tribu un bout de temps, puis là, il prenait contact des fois, il disait, oh, l'esprit de l'ours me parlait. L'esprit de l'ours, c'est une âme collective, c'est pas une âme individuelle. Les animaux ont des âmes collectives. Mais ils sont en interaction de la même façon que nous avec ce qu'on pourrait appeler l'astral planétaire. Mais là, c'est quand même. Oui, il y a une évolution. Prenez le jappement du chien. C'est au contact de l'homme que ça s'est développé, le jappement, qui est une forme entre la parole. Puis, mais oui, les animaux évoluent. Mais à notre contact. Beaucoup, beaucoup plus rapidement. Il y a même, prenez, il y a des chats et des chiens, ils ont besoin de psychologues canins et félins parce qu'ils développent des problèmes psychologiques. Ben oui, mais ça vient du contact avec l'être humain. Ça veut dire qu'il y a de l'expérimental évolutif qui s'est créé. La maladie mentale, là, entre autres, ou les névroses, ça vient des choses pas intégrées encore, mais qui ont un début. Ben comme il y en a un qui demandait tantôt à ce niveau-là, oui, on peut considérer la dépression comme quelque chose qui veut s'intégrer, en tout cas. L'information que des fois, bon, est-ce que l'ego est assez solide? Est-ce que les forces de l'âme vont laisser l'intégration se faire? C'est une autre affaire. Mais les animaux, ça vient de anima, ça vient de âme, c'est de l'âme, les animaux. Mais il n'y a pas de contact avec l'esprit comme un humain. Mais c'est en voie d'aller vers ça un jour, possiblement. Mais là, sous cette forme-là, ou sur quel plan, ou quoi, ou. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'une âme collective d'animaux, c'est très, très intelligent. Autant qu'un humain, en tout cas. Donc, même des fois, plus une analogie. Invisible dans le rapport de la parole à la source, un rapport christique solaire et un rapport mohamédien lunaire. Calendrier grégorien, calendrier islamique lunaire. Ouais, moi aussi, je vois des choses. C'est drôle, ça. J'ai vu de quoi hier par rapport à ça. Je parle pas. Je parle intérieurement, là. J'ai vu des. Par rapport à ça, là, l'affaire, là, le lunaire puis le solaire. Puis... Une analogie visible dans le rapport de la parole à la source. Ouais. Ben, il y a une sortie de l'animisme qui va dans le lunaire, qui est encore dans le lunaire. On va vers le solaire, pareil. Mais c'est tout le temps lié à la parole, le solaire. Mais le Coran est vibratoire, il est fait écrit pour être chanté. En tout cas, c'est bien délicat tout ça. Les animaux ont une âme collective, donc ils n'évoluent pas. Ben oui, les âmes, l'âme, ça évolue, c'est juste pas les mêmes lois. Mais oui, il évolue. Ben oui. Prenez la fourmi. C'est des guêpes qui ont perdu leurs ailes. Il y a des guêpes qui ont évolué vers des sociétés souterraines. C'est une forme d'évolution involutive, si vous voulez. Mais ils n'évoluent pas au sens comme nous autres, là. Mais c'est de l'évolution pareil parce qu'il y a une accumulation au niveau d'une mémoire collective. Puis des formes de plus en plus sophistiquées, c'est beaucoup plus long, mais ça se fait quand même. La peine n'en avait fait qu'une seule bouchée, c'était... douloureux à voir, moi. Moi, mais ça donne quoi de manger? Où allons-nous? Si on le savait, on n'avancerait plus. C'est une surprise. Je te le dis, ce sera pas une surprise. Je suis blasé des rêves en ce moment. Je m'y intéresse moins et du coup, je ne fais plus de rêves perturbants. Je me détourne de l'astral, mais du coup, j'ai l'impression qu'il se renforce dans la veille. Moi, vous savez, les rêves vont être un indicatif de comment va votre psychisme là maintenant. Cela fait quelques semaines que je te suis et j'apprécie ton ouverture. Ah ben merci. Tant mieux, parce que d'habitude, c'est du monde qui ont écouté d'autres des années avant. Des fois, c'est souvent des gens de assez âgé. Mathieu Delaurier, bonjour, le film Soleil Green, Soleil Vert, ouais, j'ai vu ça quand j'étais petit, puis ça m'avait... Quand ils tassent la foule, là, avec des gros camions, là, ça déroule en 2022, ton analyse sur le film en général. Ben, j'ai vu ça, j'avais peut-être 7-8 ans. Je me souviens qu'il y a un pot de confiture mis aux enchères, à un moment donné. Ben, il y a le suicide assisté dans le film. Mais oui, mais Hollywood, là, eux autres, ils ont des clés, là. En tout cas. mon analyse. Je n'ai pas vraiment d'analyse. Il faudrait que je le réécoute, mais je pense que je m'en souviens assez bien. Pourtant, je l'ai vu une fois quand j'étais enfant. Mais ça m'avait frappé. Mais oui, c'est pour rentrer dans la tête. Vous savez, là, c'est les films d'Hollywood, c'est du conditionnement. Donc, en tout cas, avant le contact supramental, y a-t-il un contact avec l'invisible? Ben oui, l'astral. Avant d'être en contact avec le supramental, vous allez avoir des contacts avec l'astral. Mais là, est-ce que c'est conscient ou pas? Vous savez, comme les gens qui sont fascinés là, par les motos puis qui viennent avec des tatous partout, il y a un contact avec l'astral, c'est juste qu'ils ne savent pas. C'est comme les gens qui font du spiritisme, un contact avec l'astral, pas à peu près. Même. Selon toi, qu'est-ce que les vrais contrôleurs anti-hommes craignent le plus? Y a-t-il une façon pour nous de faire quelque chose? Ça devient délicat, là. Parce que quand tu n'es pas au courant de tout, ce que tu crains le plus, ce n'est pas nécessairement ce qui est ton danger. Y a-t-il une façon pour nous de faire quelque chose? Il va falloir suivre la vibration. Moi, je ne vois pas quoi faire d'autre. Je ne réfléchis pas, j'agis selon la vibration. Je n'ai pas peur. Il ne faut pas avoir peur. Parce qu'il y a une partie de tout ça qui est sur ce plan-là, c'est lié à de la crainte. Puis le fait, on vous insinue quelque chose comme. Puis vous l'activez vous-même après en circuit fermé en vous. La crainte, c'est ça, entre autres. Donc, si vous n'avez pas peur, déjà là, ça va être plus facile. Vous allez avoir plus accès aux vibrations qui vont vous aider à survivre. La peur est un mécanisme de protection au niveau de la préservation, c'est-à-dire que c'est lié à la survie, mais rendu au niveau où l'être humain est, sa peur, elle lui nuit, elle le dessert. Vous voyez, c'est comme un cerf là, qui fige parce qu'il voit les phares d'une voiture, il va mourir. Pourtant, cette même peur-là qu'il fait figer sans lui sauver la vie. Mais le problème, c'est que des programmes, ça ne peut pas rester inconscient tout le temps. Donc, ce qu'on peut faire, c'est intégrer, puis être de plus en plus présent, de plus en plus conscient, mais sans état d'âme. Sans état d'âme, le moins possible. Rapport à l'âme collective animale, les chiens de chasse deviennent plus performants, mais le gibier plus méfiant. Ben oui. Ah oui, il va tout le temps avoir cet équilibre-là, c'est certain. C'est certain. Plus. Parce que c'est de toute façon, c'est sur les plans que ça se rééquilibre. Donc, l'être humain, vous aurez beau fabriquer la pire machine de chasse qu'il n'y a pas, votre gibier va aussi lui aussi s'adapter. En passant, Bertel, j'aime bien ton humour. Ah ben, merci. Frédéric. J'ai été testé ce week-end. C'est affligeant la facilité avec laquelle on se fait attraper. Oui. Puis les tests, c'est tout le temps pour vous. Dans le sens pour vous voir vous-même. Je me suis fait couronner toutes mes dents. Je sens que je vais pouvoir enfin prendre ma parole. Ah, c'est surprenant. De toute façon, peut-être que bientôt, dans quelques années, on n'aura plus aussi facilement accès à des traitements chez le dentiste. Donc, je vais devoir aller dîner bientôt. Todd, donc leur but est principalement d'abaisser notre vibration, c'est ça. Ben oui, mais la domination, ça se fait tout le temps par. Vous pouvez pas. C'est beau. Comme, par exemple, prenez un hypnotiseur qui fait des suggestions à quelqu'un, il va commencer par le magnétiser. C'est-à-dire qu'il va faire baisser sa vibration propre et augmenter un magnétisme qui vient de lui-même. C'est ça, magnétiser quelqu'un. C'est une mise en condition. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas se laisser mettre en condition, pas se laisser conditionner, mais pas non plus être là-dedans d'une façon subjective, astralisée. C'est-à-dire que si vous le faites comme un survivaliste paranoïaque, vous êtes vulnérable. Ça dépend tout le temps. Il fait frette, parfois, frette. Ah oui. Pourquoi pas? Bunker, bunker. Moi, ben, vous savez, moi ici, je tiens la pièce à 13 degrés, 13-14 degrés l'hiver. Puis l'été, j'ai un air climatisé, je maintiens ça autour de 15-16. J'aime beaucoup le froid. Puis, étrangement, je me sens en danger. Pourquoi? Parce que j'ai déjà eu une maison que je chauffe au bois. Puis maintenant, je suis à l'électricité, c'est-à-dire s'il coupe l'électricité. Même si je fais installer ici un petit poêle à bois, je suis inquiet parce que il va falloir couper l'eau dans le bloc parce que les autres loyers n'en auront pas. Ça m'inquiète. J'adore d'histoire depuis toujours. J'adore me poser des questions et des à propos à tout ce que je constate par rapport à mes recherches et réflexions. Elle m'apporte toujours. Adieu au Christ. Ben oui, c'est parce que c'est un archétype de base, universel. Mais l'affaire, c'est quoi le principe en tant que principe? C'est-à-dire, comment je pourrais dire ça? À un moment donné, les archétypes, il va falloir aller au-delà. J'ai bien aimé dans votre entretien avec David ce que vous avez dit à propos du contact avec des aliens de genre humide. Ils cherchent à fasciner, à dominer les hommes. Ben oui. D'ailleurs, il y a quelque chose derrière. C'est pour ça, là, l'être humain, il va falloir qu'il rencontre le Christ, pas rester fasciné par lui. Vous comprenez là, ce que je peux vouloir dire là-dedans? En tout cas. J'ai comme l'impression que le christianisme est une base fondamentale pour comprendre notre monde et qui est extrêmement compliqué. Oui, ben c'est parce que il y a des outils dans le christianisme, dont la parole, qui ont été occultés pour des raisons de contrôle des masses, par des gens qui ont voulu s'en servir pour avoir autorité par procuration sur les gens, alors que la base du christianisme, c'est l'autolibération. Quelque part, c'est de se libérer par la parole. La bonne nouvelle, c'est ça. C'est que t'es pas obligé d'être esclave du prince de la terre, si on peut dire. Mais là, ça a été tellement occulté par le prince de la terre, d'ailleurs. Mais bon, c'est des principes, ça, comme le satanisme qui est un principe de domination planétaire. C'est toujours lié à de la domination. Le christianisme va tout être lié à de la libération. C'est ça, le salut. Histoire de salut. Depuis enfin, le ton emprunté par les lecteurs de nouvelles m'a toujours dérangé, comme s'il se calquait entre eux aussi le fameux jeu d'acteur qui ne ressemble pas à la réalité. Moi, de mon côté, si c'était moi qui lisais les nouvelles, ça ne ferait pas très sérieux, pourvu le contexte. D'un autre côté, si eux venaient parler à ma place, ça ne ferait pas très sérieux. L'affaire, c'est que chaque chose est ajustée selon son milieu. Salut, moi, ma maison est à vendre. Ah oui. J'assieds-tu selon le marché? Parce que là, le marché n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de crise de bon sens. J'ai une cousine à Toronto, elle s'est achetée une maison. As-tu d'un million? Elle est hypothéquée jusqu'à la fin de ses jours. En plus, le marché immobilier, c'est une bulle. Ça va s'effondrer à un moment donné. Fait. C'est les banques. Les banques. Ils sont au courant. Attention, juste attends chez un dentiste qui est dans la vibration d'aider de soigner. J'ai la chance. Ah, oui, vous êtes chanceuse. Ben moi, j'ai rendez-vous bientôt. Bientôt. J'ai une dent en porcelaine qu'il faut. Je pense que je ne sais pas ce qu'il veut faire, je ne me rappelle plus. Donc, je pense qu'il va la. J'ai une dent en porcelaine qui est pire que les autres, là. Parce que. Mon acidité gastrique use même ça, imaginez. Ça n'a pas de bon sens. Il y a de quoi qui m'intéressait par rapport à ce qui était dit avant. Ah, les lecteurs de nouvelles. Pourquoi donc ça m'intéresse? Je me souviens même plus ce que je voulais. Oui, avant que ça plante, j'avais dans mon chèque. Moi, j'ai pas de chèque, là. Je sais pas ce que je vais faire. Ben là, de toute façon, pas besoin de chèque, là. On ira en camp de vacances. Hein? Je veux dire, d'après moi, mais que si jamais on m'emmène là, je vais avoir du monde qui me connaisse. Hey! Qu'est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce que tu penses que je fais là? La même chose que toi. Bon, ben moi, je vais aller dîner. Puis, je vais vous souhaiter une bonne journée. Puis je vais surveiller ça, là, monsieur Lionel Carman, là, le ministre délégué au darwinisme social. Là. Voir ça, là, puis à l'énergie des masses. Je suis curieux de faire le même rêve, mais je n'arrive pas à le comprendre réellement. J'ai décroché aussi de l'astral, mais ça revient constamment. Ben, faudrait que faudrait que, en privé, je vous montre à les confronter. Puis ils vont vous répondre. J'ai vu la présence d'OVNI dans l'espace aérien terrestre comme une véritable intrusion. Moi, la force, c'est que je ne suis pas sûr que c'est tous des OVNI. Il y en a, ça dépend le type. Bon, ben, c'est non identifié, oui, là, mais je parle de ce qu'il y a derrière. Là. Oui, bien, on va tous se retrouver bientôt. Moi, peut-être. On verra. Pour les lecteurs de nouvelles, c'est que quand il y a une forme ou conformité de ton, il y a manipulation. Pas nécessairement. Des fois, c'est pour être ajusté. Je veux dire, admettons là, que vous allez dans une maison funéraire, puis que le directeur de pompe funèbre, il serait là en Bermuda avec une chemise hawaïenne, puis un cocktail dans la main. Est-ce que c'est ajusté? Faut qu'il y ait une conformité quelque part pour des raisons de respect de la sensibilité des autres. En tout cas, merci, bonne journée. Ah ben, vous aussi, Lindis, Martin, bonne journée. Ah ben, à la prochaine. Bon appétit, merci. Merci pour ce moment. Bon, et merci, Camille, Marie. C'est ma scène, bon repas. Ici, merci. Bonne journée. Marie Striton, bonsoir. Merci pour le lien. Le lien? Ah, j'ai mis un lien. Ça se peut. Donc, bon, ben, bonne journée à tout le monde. Puis, ça se peut que je fasse un live après avoir écouté Monsieur Carman. On verra. Ça dépend si je ne sais pas si je vais en faire un. Peut-être pas. Peut-être que je vais juste filer pour. C'est pas aucune idée. Bon, ben, bonne journée. Au revoir.